L'homme à l'œil de verre, comte d'Angleterre, par Grenville Murray. Un jour, après avoir mûrement réfléchi, je me décidai à me marier, non que ce projet me fût fort agréable, mais parce que l'homme n'est pas destiné à vivre seul, sauf lorsqu'il aime la tranquillité. Deux de mes amis également allaient se marier. Nous avions fait notre choix. C'est seulement alors que nous résolûmes de consulter là-dessus un personnage très pénétrant. L'homme à l'œil de verre. Pourquoi avions-nous attendu jusque-là, me demanderez-vous? Précisément parce que c'est ainsi qu'on se conduit d'habitude. C'est après avoir pris un parti que l'on consulte des gens qui auraient pu nous éclairer, s'il n'avait pas été trop tard. Or, nul ne voyait aussi clair que l'homme à l'œil de verre, et jamais ses amis ne l'invitaient à dîner sans savoir d'avance qu'il trouverait le vin plein d'alcool. Tous les vins d'Espagne, notamment, sont montés avec de l'alcool pour l'exportation en Angleterre. Le gibier est trop avancé, la viande dure. Il faut avouer qu'il avait généralement raison. Nous nous rendîmes dans Lincoln's Inn, quartier de Londres qu'habitent les gens de loi. Nous montâmes à l'appartement de l'homme à l'œil de verre et nous commençâmes par lui remettre chacun une guinée. Il enferma les pièces d'or dans un tiroir de son bureau, puis se planta devant le foyer, le dos au feu. Et ramenant sous ses deux bras les pans de sa redingote, ce qui est, comme chacun sait, l'attitude favorite de l'anglais, il prit la parole. « Vous allez vous marier, nous dit-il, devinant nos pensées avec sa pénétration ordinaire, et vous venez me demander mon approbation. » Ce sont là des projets que je n'approuve jamais, et ce n'est pas pour vous faire plaisir que je vais changer mes habitudes. Vous croyez que vous serez heureux? Je ne vous encouragerai certainement pas dans cette folle illusion, puisque j'ai en ce moment-ci dans ma poche une lettre d'un monsieur qui s'est marié cette année et qui s'en est repenti la semaine dernière. Ce monsieur a de nombreux compagnons d'infortune. Les tiroirs de ce cartonnier sont remplis de lettres signées par des hommes qui se repentent de s'être mariés. Les uns sont devenus fous, les autres versent tant de larmes que leurs voisins en sont mouillés jusqu'aux os. Ces exemples ne feront aucune impression sur vous, je le sais d'avance. Mais je vous donnerai à chacun un œil de verre comme le mien et vous jugerez par vous-même s'il est raisonnable de faire les frais d'une noce. » Il tira de sa poche trois écrins de maroquin violet et nous les distribua. « Regardez, dit-il, vous verrez que chacun de ces écrins contient un œil de verre de forme concave et très bien peint. » Puis il passa sa main à l'intérieur de son gilet, prit une pose d'orateur et se remit à pérorer. « Qu'est-ce que la beauté ? S'écria-t-il. Elle gît dans l'imagination. Si vous saviez qu'une jeune fille se dispose à mettre de l'arsenic dans votre potage, vous diriez-vous que son visage est doux et charmant ? Non. La beauté est donc une illusion qui disparaîtrait si vous pouviez voir la laideur morale qu'elle cache. Or, ces yeux de verre vous montreront les hommes et les femmes tels qu'ils seraient si chaque vice, chaque faiblesse était représentée par un défaut physique. Ainsi, le menteur aura la bouche très grande et il bavera. Le gourmand aura des lèvres monstrueuses, le curieux, le rusé, un nez démesuré et des yeux chassieux. Le paresseux aura un pied beau l'avare des cerfs de vautour. En résumé, toute mauvaise pensée aura laissé sa marque sous forme d'une ride ou d'une verrue, tandis que toutes les méchantes actions se seront accumulées en bosse entre les épaules. Mais souvenez-vous que j'ai prêté les yeux de verre à des centaines d'individus, mais qu'ils ne leur ont été d'aucune utilité pratique. Et pourquoi cela, demandai-je ? Parce que je n'ai pas le pouvoir de diminuer le nombre des sots qui existent en ce monde, répondit l'homme à l'œil de verre avec un rire sardonique. Je puis démasquer le vice, mais je ne peux pas vous le faire haïr. Des sages plus grands que moi ont échoué dans cette tentative. On sait que l'ivrognerie est un vice dégoûtant et dangereux pour la santé. Cela corrige-t-il les ivrognes ? Les criminels, les fourbes sont honnis de tous. Cela empêche-t-il qu'ils ne deviennent plus nombreux chaque jour ? Allez, aucun magicien ne peut guérir celui qui veut être aveugle. Excusez-moi, lui dis-je avec une présence d'esprit que je me reconnais parfois. Si mon œil de verre me fait voir qu'une jeune fille est bossue, a une bouche énorme, des yeux chassieux et des doigts crochus, vous n'allez pas me dire que vous me croyez capable de l'épouser ? Ta ta ta ! Fit-il en haussant les épaules jusqu'à ses oreilles. Paix, jeune homme, et regardez ce cartonnier. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Quand vous voudrez vous servir de votre œil de verre, il faudra le glisser sous la paupière gauche. Lorsque vous aurez contemplé le monde sous son véritable aspect pendant assez longtemps, couvrez l'œil de verre de la main ou bien mettez-le dans votre poche. Maintenant, allez vous amuser. Nous le quittâmes. Quant à nous amuser, c'était autre chose. Je mis mon œil de verre en descendant l'escalier, et à peine avais-je dépassé la porte de la rue que je me cramponnais à la grille de l'arrêt, tant le spectacle que j'aperçus me causa d'effroi. Note du traducteur. À Londres, il y a devant le sous-sol de chaque maison une petite cour fermée par une grille. C'est par la porte pratiquée dans cette grille que passent les fournisseurs se rendant à l'office et dans la cuisine. Cette cour s'appelle l'arrêt. La rue était excessivement fréquentée, mais au lieu d'être remplie d'hommes et de femmes ordinaires, elle était encombrée de hordes de monstres tels que les enfers eux-mêmes n'en pourraient, je crois, vomir. Des bossus à rire de démons, des culs de jatte montrant la langue, des femmes dont les énormes mâchoires eussent englouti des crabes vivants, des mégères ridées au corps contourné. Tels étaient les êtres qui se coudoyaient dans la rue en formant le plus hideux spectacle qu'on pût imaginer. Seuls les animaux étaient exempts de ces difformités. Et quand je vis les allures nobles et gracieuses des chevaux, les chiens qui trottaient avec leurs honnêtes petites queues en l'air, les beaux oiseaux qui volaient dans toute la gaieté de leur innocence, je songeais au pouvoir qu'exerce l'homme sur les autres ordres de la création, et j'en poussais un grand soupir de honte et de pitié. Alors, me retournant, je m'aperçus que mes deux compagnons étaient transformés. Pis encore, je vis que je devais être changé à leurs yeux, car l'un d'eux recula en criant comme si je l'avais mordu. « Mais qu'est-ce qui est arrivé à vos oreilles ?»« Mes oreilles ? » répondis-je avec indignation. « Il vous sied bien de parler de mes oreilles, quand votre nez a pris les dimensions du groin d'un porc, ce qui prouve que vous avez toujours été un gourmand et un indiscret. »« Il parle de mon groin ? » cria mon ex-ami d'une voix glapissante de fureur. « Mais regardez donc le vôtre, c'est une trompe !» Et l'autre ami, dont la bouche eût fait tout le tour de la tête, si elle n'avait été arrêtée en route par son col, montra un assortiment de défenses tachetées comme des dominos en répétant « C'est une trompe !» Nous nous quittâmes fort mal, et je descendis rapidement la rue, écartant par mes regards furieux les culs de jatte, les bossus et autres monstres. Un cocher de fiacre porta la main à son chapeau. C'est ainsi que les cabmen offrent leur service. Mais les mauvaises pensées avaient fait de sa figure une passoire et son index ressemblait à la griffe d'un vautour. Un autre m'eût entraîné dans un omnibus. En Angleterre, c'est le conducteur qui fait signe aux piétons. Mais le dos du coquin portait une bosse aussi volumineuse que le ballot d'un colporteur. Et au moment où il m'appelait, il empochait un demi-souverain qu'un voyageur lui avait remis, croyant lui donner 6 pence. Au coin de la rue, je heurtai un policeman dont les lèvres étaient gonflées de parjures. J'eus peur qu'il ne me conduisît au poste en m'accusant d'ivrognerie. Je m'enfuis donc dans une boutique où je vis un épicier qui vendait de la moutarde falsifiée. Une belle verrue s'épanouissait au bout de son nez pendant qu'il affirmait que l'article était de première qualité. Tels furent les résultats de mes expériences pendant 5 minutes. Mais comment décrire l'après-midi que je passai à parcourir Londres dans l'espoir de trouver un homme marchant droit, sans difformités et sans rides? Hélas, je n'en vis aucun, sauf peut-être un idiot dont les oreilles se rejoignaient presque au-dessus de sa tête. Il avait la peau unie, car il n'était pas sujet aux mauvaises pensées, puisqu'il ne pensait pas. Mais il était considéré comme une honte pour sa famille, et ses parents ne parlaient de lui qu'avec humiliation. Ailleurs, j'aperçus des hommes dont les genoux ressemblaient à des potirons. C'étaient des hommes d'État, arrivés au pouvoir en s'abaissant devant les exigences de la populace. Il y avait encore des bossus aux doigts couverts de verrues. C'étaient des écrivains qui avaient vendu leurs plumes aux plus offrants et argumenté contre la vérité 6 fois par semaine, à 5 ou 10 guinées par colonne. Les journaux anglais ne paraissent pas le dimanche. Je vis d'autres grands censeurs et chefs de parti marchant comme des canards, tandis que leurs péchés suintaient de leur corps comme la résine découle d'un arbre. Mais ce qui me faisait le plus de mal, c'était de regarder les femmes. À chaque instant, je couvrais l'œil de verre de ma main pour voir si les apparitions épouvantables qui passaient près de moi dans les coupés et les landaux étaient en réalité les ravissantes femmes que j'avais l'habitude de saluer dans le monde. Et chaque fois, les sourires charmants, les yeux modestes, les doux visages reparaissaient. Mais quand je retirais ma main, on eût dit que tout se flétrissait. Les traits se ridaient, pareils à des coquilles de noix. Les yeux s'enfonçaient dans leurs orbites et y brûlaient d'un feu sombre, et les bosses s'accumulaient entre les épaules. J'étais amoureux. Je me souvins que j'avais emprunté l'œil de verre afin de bien examiner au moral ma fiancée. Et j'eus peur. Il me restait une illusion. Devais-je risquer de la perdre lorsque, en laissant tomber mon œil de verre tout simplement dans une arrêt, il me serait possible de croire encore à la beauté morale de ma fiancée? Il y avait une arrêt tout près de moi. C'était celle de la maison d'une couturière à la mode. Un garçon brasseur, dont la figure ressemblait à une caricature, s'y était glissé pour échanger des brocs de bière avec une fille de chambre absolument repoussante. Rêveur, je m'appuyais contre la grille lorsqu'un coupé s'arrêta devant moi et une voix bien connue s'écria « Comment, c'est vous ?» Je ne jetais pas l'œil de verre dans l'arrêt, mais je le projetais comme une lanterne dans l'intérieur du coupé et je la vis, elle, naïve, étonnée, mais belle comme toujours, ses lèvres mignonnes, un peu écartées, ses traits purs comme ceux de la vérité, sans tache et sans défaut. Si j'avais pu croire que mon œil de verre me trompait, cette crainte n'eût pas duré longtemps, car à côté de ma fiancée se tenait ma future belle-mère qui avait l'air... Mais passons. Il me suffisait de savoir qu'il n'y avait sur terre qu'une femme en qui l'œil enchanté ne pouvait découvrir aucun défaut, et que cette femme était celle dont la perfection m'importait le plus. Maintenant, voici la morale de l'histoire. Je remis l'œil de verre dans ma poche. Mais, apprenant que mes deux amies avaient aussi trouvé leur fiancée parfaite, j'allais voir si elle l'était réellement, et je m'aperçus qu'elle ne l'était pas du tout. Cependant, je me tus, car lorsque je vis mes deux amies contempler avec satisfaction deux jeunes filles qui, vues par mon œil enchanté, paraissaient descendre en droite ligne des Euménides et des Harpies, la lumière se fit dans mon esprit. Je me souvins de l'avertissement de l'homme à l'œil de verre, du cartonnier, de la lettre du monsieur qui s'était si vite repenti de s'être marié, et je m'inclinai devant ce vieux dicton. Nous sommes tous aveugles quand il s'agit de voir les défauts de ceux que nous aimons. Je me suis débarrassée de mon œil de verre. Je l'ai envoyé il y a quelque temps au chef du cabinet qui m'a promis de s'en servir quand il choisira parmi les candidats aux postes élevés. Et, sans commettre d'indiscrétion, je puis dire que l'œil enchanté a déjà rendu de très grands services aux ministres et au public. On sait bien que, de nos jours, les fonctionnaires du gouvernement sont irréprochables. Maurice Reynolds.